Elle ne s'inquiète pas. Aujourd'hui non, demain sûrement. Elle soupire. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi rien ne me fait du bien? Qu'est-ce qu'on mérite? C'est tellement étrange. Mes mains touchent, mais n'attrapent pas. La chance s'est enfuie. Je ne l'ai pas séduit. Tu le sais, tu le sais, tu le sais.